Alors, ce podcast est enregistré sans trucage, sans montage et bien entendu sans sucre ajouté. Bonjour et bienvenue au tout premier podcast d'Axolot le JDR. Vous êtes en compagnie d'Erel et... De Solipsis, moi, en clair. Ah oui, sinon je t'appelle Caroline. Hein. Bah c'est comme tu veux, moi ça m'est égal. Hein. Ça me voilà. Va aussi. Et on a été invité par le podcast Frankenstein à répondre à une question. Qu'est-ce que le jeu de rôle alternatif et qu'est-ce que vous en attendez? Si je me souviens bien, la bonne question, c'est ça. Le premier truc, en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que les autres faisaient et j'ai lu une phrase assez magique. Le jeu de rôle alternatif, c'est du jeu de rôle amateur. Alors cette remarque, elle m'a gênée pour deux raisons. C'est que déjà, beaucoup de jeux de rôle amateurs sont en fait des ersatz de jeux de rôle traditionnels. On va bien être dans les étiquettes, hein, de toute façon, c'est le sujet. D'autre part, il y a quand même pas mal de créateurs et de créatrices de jeux de rôle alternatifs qui sont en fait des auteurs, autrices professionnels ou confirmés, des gens qui écrivent pour des magazines qui sont édités pour des romans, des jeux de rôle, etc. Donc voilà, moi je verrais plus, ça m'aurait moins choqué si on m'avait dit le jeu de rôle alternatif et du jeu de rôle indépendant. Parce que oui, en effet, du coup, la majorité des jeux qui sortent sont indépendants. Les grosses maisons d'édition ne s'intéressent pas tellement, pour l'instant en tout cas et en France, à ce genre de création. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses seul du coup. Moi, je pense que c'est surtout assez triste de faire un raccourci pareil. C'est un peu comme si on disait, je me permets de tracer un parallèle avec la musique. On a beaucoup d'artistes qui passent pas forcément par des plateformes de diffusion classiques ou qui passent pas par des grosses boîtes. Ça reviendrait à dire, écoute, ce groupe-là, c'est un groupe amateur, alors que ces types-là, en passant par des labels indés ou ce genre de choses, arrivent quand même à vendre énormément ou à avoir une petite notoriété. C'est un peu dommage de ramener ça à un espèce de côté amateuriste. C'est un peu comme si tous les gens passionnés qu'on a autour de nous, qu'on a la chance de connaître ou qu'on a la chance de pouvoir lire, soient considérés, malgré leurs efforts, leur volonté de se former plus et d'accéder à de meilleurs outils et de proposer du contenu de meilleure qualité, peut-être plus réfléchi, parce qu'au final, ils ont plus de liberté pour créer, soient considérés comme des amateurs. C'est très triste, en fait. C'est excessivement dépréciatif. C'est la même chose avec l'auto-édition. Au final, là, en ce moment, je suis les cours de Brandon Sanderson. Et en fait, il y a beaucoup d'auteurs professionnels qui font aussi de l'auto-édition à côté. C'est-à-dire qu'en fait, suivant les projets, bah, des fois, ils s'éditent tout seuls. Et en fait, l'image de l'auto-édition est aussi une image de gens amateurs qui sont trop mauvais pour pouvoir être édité par des vraies maisons d'édition, ce qui n'est pas forcément le cas. J'avais demandé à Brandon il y a quelques mois à quel moment on devient vraiment un auteur, et il m'a fait « quand t'as fini ton livre ». Parce que c'est déjà un exploit en soi, et à ce moment-là, tu es déjà un auteur. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet, moi, je voulais revenir un petit peu sur la terminologie du jeu de rôle alternatif. Je la vois née comme, en fait, une proposition d'alternative à, en l'occurrence, on revient encore sur les étiquettes, une alternative au jeu de rôle traditionnel qu'on va bien caricaturer avec un écran de jeu, des dés qui définissent de l'aléatoire, une narration contrôlée par un, ou en tout cas en grande partie contrôlée par un MJ omnipotent et omniscient, etc. etc. Donc là, on va pouvoir commencer à définir un petit peu ce que nous, on peut voir dans le jeu de rôle alternatif et ce qu'on peut faire aussi de notre côté. C'est par exemple se passer d'une ou plusieurs de ces données. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est des propositions de systèmes de jeu très light. On est loin du calme meuble de 400 pages qui se décline en 30 tomes. Voilà, on va avoir quelque chose qui est court et pourtant efficace quand même. Hein. Du jeu sans préparation, du jeu sans MJ, du jeu à plusieurs MJ. On a même vu du jeu sans joueur, pourquoi pas. Voilà. Et ce que je vois, moi, principalement dans la créativité alternative, c'est beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination et beaucoup de nouvelles idées en fait qui permettent de renouveler un petit peu un genre qui s'empâtait un petit peu dernièrement. Alors, bah, c'est qu'on commençait à faire le tour, quoi. Oui, j'ai envie de te répondre oui et non, malgré tout ce que je peux aimer dans le jeu de rôle classique, parce que bon, ben, moi je ne le cacherai jamais, je suis quand même un, entre guillemets, un gros rôliste à papa. Moi, lesquels meubles, c'est un petit peu une des choses que j'aime le plus manger. Je suis d'accord avec toi. C'est le principe, justement, d'alternative. On est dans un milieu qui est excessivement codifié. Alors, du moins, il est codifié par des années et des années, entre guillemets, d'histoire du jeu de rôle. J'aimerais citer Gerhard, il n'y a pas très longtemps, qui, quand même, a sorti un terme que j'aime beaucoup, qui est jeu de rôlologie. Si on suit un peu la jeu de rôlologie classique, effectivement, on a donc. C'est un peu comme la scientologie, excuse-moi. Alors, un peu. J'ai envie de te dire un petit peu. On a des mastodontes du milieu, hein. On a des mastodontes du milieu, on va pas s'en cacher, qui ont posé des codes, qui ont pu convenir pendant un temps, mais qui ne conviennent pas à tous les créateurs. Là où c'est intéressant d'avoir une mouvance alternative, du moins des alternatives, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un petit peu le point de vue et la vision du jeu de tout le monde. C'est important d'avoir, comme tu l'as dit, des jeux où on a une narration partagée, des jeux qui s'affranchissent complètement des jeux qui ont un système excessivement léger qui tient sur un timbre-poste. L'intérêt d'avoir un système alternatif, c'est d'amener une diversité dans le jeu et dans notre passion et dans notre façon de l'avoir. Ça permet à des petits acteurs modestes de... ou non modeste, ou juste ayant une vision différente, de permettre de montrer un petit peu leur envie de jeu et ce qu'ils amènent comme force de proposition, et c'est ça le plus important. Tant pis tout, il a un avis sur la question, j'ai l'impression. Oui, malheureusement, il ne parle pas de langue commune à nous actuellement, du moins il n'a pas décidé de faire l'effort, donc on ne comprendra jamais opinion sur le jeu de rôle alternatif. Exactement. Mais je te rejoins bien sur ce point. Je défends moi aussi avec conviction le fait que c'est pas parce qu'on est estampillé avec le terme alternatif que nous sommes des amateurs ou que les autres auteurs ou autrices sont des amateurs ou amatrices et qu'il n'y a pas un véritable travail, une véritable recherche et vraiment une compilation acharnée. Bien sûr. Voilà. Pour ce que moi j'attendrais du jeu de rôle alternatif, en fait il y a deux angles d'attaque. Déjà un système de jeu qui me foutra pas la migraine. Je connais mon amour pour les systèmes de jeu. Non mais j'attends quelque chose qui va me permettre d'avoir beaucoup de place à la narration, ce qui est très souvent le cas. Parce qu'en fait moi jeter les dés ça me gonfle. De faire des calculs, de sortir ma Casio du lycée, ça m'intéresse pas. Une grosse pensée pour Polaris. Voilà. Et en fait, il y a un autre angle, au-delà du système et de la proposition de gameplay originale, c'est les idées qui sont portées. En fait, beaucoup de personnes qui créent du jeu de rôle alternatif ont des idées à défendre. Des engagements un petit peu qu'on a dans la science-fiction, par exemple. Tu as beaucoup d'idées qui sont développées. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est quand même un engagement dans le jeu, dans la proposition de jeu, qui soit écologique, qui soit... on a quand même beaucoup de post-apo, etc., qui sont du jeu de rôle alternatif, hein. Par exemple. Voilà, j'ai envie de voir aussi des convictions qui... que le jeu puisse me permettre de réfléchir à des idées en m'amusant quand même. Ça, pour moi, c'est une attente personnelle, en tout cas, que j'apprécie sur le jeu de rôle alternatif. D'accord, mais ça se comprend. Alors, excuse-moi, attention. Pardon. Voilà. Merci pour ton avis. Je pense non, que ça fera vachement avancer là. J'ai éternué, je m'en excuse. Dans l'idée, je te rejoins sur une chose. Moi, j'attends du jeu de rôle alternatif la possibilité de voir un petit peu les idées, le point de vue des autres auteurs et autrices de JDR, et surtout ce qu'ils peuvent amener. Je rejoins un peu sur ce que j'ai dit concernant la force de proposition. Notre passion, maintenant, elle est tellement développée, on a tellement de possibilités de visibilité qu'on peut trouver tout et rien. Tout ce qui va pouvoir nous intéresser, on va pouvoir le trouver. Imaginons un jour, j'ai très envie de faire un jeu où je joue un grain de poussière voltant dans ma maison. Je me dis que j'ai possibilité de le trouver. Et c'est ça qui va être formidable. Et c'est ça qui est formidable actuellement avec justement toute cette mouvance alternative. C'est la possibilité. Je pensais que t'allais proposer le brocoli, moi. Tu es déçu. Le brocoli, écoute, est-ce qu'on a vraiment besoin de le proposer? Étant donné qu'il n'est pas très difficile à trouver. Il est fait, il n'est pas très difficile à trouver. Hein. Il suffit juste de nous chercher sur Itch.io et on le trouvera. Ce que je trouve important, c'est que, on l'a dit au début, on a des mastodontes, on a une vision et on a des piliers du JDR traditionnel et classique, produits en chaîne par des grosses boîtes. Et on a des gens, énormément de passionnés, que partout, hein, de partout autour du monde, qui vont nous amener leurs propositions et ce qu'ils aiment. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est la diversité qu'on va pouvoir amener. Ouais, aussi. Voilà, bah écoute, ça fait 10 minutes. Déjà, sérieux? Mais ouais, c'est passé super vite. Hein. Voilà. Bon, allez, la dernière fois, j'avais négocié 20 minutes parce qu'on était deux, mais là, on va essayer de ne pas tricher quand même. Ça voilà, ben, on vous remercie marche, d'avoir écouté. J'espère que ça aura amené un petit peu d'eau à votre moulin, un petit peu de sauce à votre couscous. L'été, le couscous, c'est pas forcément ouf. Hein. Voilà, en tout cas, c'était Réal et Solipsis pour le Frankencast avec Axolot. On vous fait plein de petits bisous et on espère vous retrouver à une autre occasion. Ah ciao, oui, ciao. Carrément, avec plaisir, au revoir.